Vendredi 5 octobre, 19h, un chemin de croix. Cet après-midi, je suis descendu. Il fait beau, la cour est pleine. Je suis tranquille comme Baptiste. Je joue aux échecs avec Nasser l'Égyptien. La partie est rude. Nasser est un adversaire coriace. J'ai la tête dans le jeu et le corps au soleil. Personne ne nous dérange et je savoure à présent la promenade comme une sortie en mer. Bientôt, je le sais bien, il fera froid, et on ne bénéficiera plus du même ensoleillement, alors autant en profiter. Une vie à l'ombre, comme celle des gardiens, me serait impossible. Le plus pénible en prison, c'est l'enfermement. Victoire, j'ai battu Nasser, je me prépare à présent à jouer contre Alexandre le Métis. Ils échangent leur place. La partie commence, c'est là aussi je sens, je vais la gagner. Mais voilà qu'on m'appelle. Bruno G. Il a bien fallu qu'on gueule mon nom trois fois au moins pour que je veuille l'entendre. Je lève les yeux de l'échiquier. C'est moi qu'on appelle, oui c'est bien moi. Je suis demandé à la grille. C'est un gardien qui est venu me chercher. C'est bien la première fois que j'en vois un pendant le temps de la promenade. C'est aussi la première fois que je vois qu'on extrait un détenu d'ici. Il faut que ça tombe sur moi. D'habitude, il n'y a pas l'ombre d'un uniforme dans les cours. Comme un automate, je me lève et j'abandonne la partie. Alexandre récupérera le jeu, je suppose, ou bien Nasser. En arrivant près de la porte, Momo Lakeyol me dit, tu es libérable. Me pose-t-il la question, ou en est-il certain? Libérable. Moi. Me voilà bien troublé. Tout de suite le gardien me rassure. Je suis seulement attendu au parloir avocat. Ils ont dû encore oublier de me convoquer. Je sors de la cour et je m'engage dans le passage qui conduit à l'entrée du bâtiment. Il n'y a qu'une cinquantaine de mètres à franchir. Mais 50 mètres où il faut longer les deux autres cours, deux cours aujourd'hui bien peuplées. D'habitude, elles sont désertes, au moment où nous descendons, et quand nous remontons, je m'avance seul. Crânement. En m'efforçant de me tenir bien droit. Je vise bien la porte tout au bout. Dieu, que la route est longue. Je n'y étais pas préparé. J'aurais voulu ramper. Dès les premiers mètres, ça y est, on m'insulte. Sale pointeur, on va te niquer, et tutti frutti. Quelques pas plus loin, voilà qu'il pleut des gouttes. Ce sont des pierres, heureusement pas des grosses, qu'on envoie. J'ai de la chance, j'arrive à me faufiler au travers, ou bien ce sont elles qui m'évitent. Mais où sont passés les gardiens? Il y en a bien un qui a dû rester derrière moi, celui qui est venu m'ouvrir au moins. À moins qu'il se soit dérobé par une autre porte. S'il est toujours là, il est resté loin derrière. Je ne me retourne pas. Atteindrai-je en un seul morceau, la porte du bâtiment tout au bout? En plus, dans cet océan d'ordures, je dois aussi regarder où je mets les pieds. Ça n'en finit pas. Quand donc arriverai-je? Je passe enfin le portique tel un naufragé qui atteint la terre ferme. Je me rends au parloir avocat blanc comme un linge. Je traverse les longs couloirs encore tout transis. Tout en haut des marches, je retrouve mon cher maître. Je dois être livide. Il faut donc qu'il ait d'importantes nouvelles pour m'avoir dérangé. Nous nous enfermons dans un box. Quelles nouvelles? Presque aucune. Il est venu m'annoncer qu'il reporte la demande de mise en liberté jusqu'au résultat de l'enquête. C'est trop tôt, me dit-il. Voilà bien qui méritait qu'il vînt jusqu'ici. Je lui confie combien, actuellement, je pense que ma place est plutôt dedans que dehors. Je ne lui dis pas que je finis par me sentir bien dans ce cloaque. Je ne suis pas sûr qu'il comprendrait. Je le quitte au bout de 10 minutes à peine, peut-être moins. Je lui demande de me recontacter seulement quand il aura des informations suffisamment consistantes. D'ici là qu'il me fiche la paix, aurais-je envie de lui crier. Je lui serre la main avec respect. Au fond, c'est un brave homme. En regagnant ma cellule, je me dis que je regrette d'avoir dû quitter si précipitamment la promenade tout à l'heure. La partie d'échecs avec Alexandre était bien entamée. Je regrette aussi le soleil de la cour que je ne reverrai pas jusqu'à demain matin. J'aime à présent l'odeur de mes semblables, et toutes les histoires de prisonniers qu'on se raconte. J'ai encore sur le cœur les insultes et les pierres qu'on m'a balancées en chemin. De retour dans mon antre, je retrouve mes deux compères. Je leur raconte mon rendez-vous pour pas grand-chose, et ma traversée aventureuse. Je ne comprends pas que mon avocat soit venu pour rien. Jean-Marie m'invite à en changer. Le sien d'avocat, me dit-il, est spécialisé dans le genre d'affaires qui nous concerne. Pendant que je raconte mon histoire, Bébert a pris une cigarette et est monté sur les tuyaux du chauffage, pour fumer à la fenêtre. Il est nerveux depuis quelque temps, et mon récit ne le décontracte pas. Il allume sa cigarette mais il a oublié de descendre le drap qui nous sert de rideau. De nouveau, ça ne manque pas. Un jet nourri de pierre, des grosses cette fois-ci, s'abat dans la cellule. La volée est violente et elle dure. Je m'accroupis par terre et je me glisse sous la table, pendant que Bébert se réfugie sur sa couchette, et se protège d'une couverture. Jean-Marie s'est faufilé jusque derrière le plastique qui nous sert de drap d'intimité. Il s'est assis sur le tronc des toilettes, et il attend que passe l'orage. Et puis l'orage passe. L'orage est passé. Jusqu'à la prochaine, vraiment, nous voilà bien lotis. Comment pourrait-on oublier ici ce que nous sommes? Chaque fois, on nous le rappelle. S'ils avaient des fusils, sur qui nous fusilleraient, et s'ils avaient des cordes, ils nous pendraient haut et court. Ils ne sont pas méchants en somme. Juste des détenus normaux, qui tentent d'exorciser les monstres qui ne sont pas. Notre place est bien dans le quartier des isolés, entre pointeurs. Mais nos murs ne sont pas encore suffisamment épais, suffisamment opaques, suffisamment étanches. C'est dans une tombe qu'il faudrait nous loger. Après la bataille, Jean-Marie ramassera méticuleusement les projectiles qui jonchent le sol. Il conserve précieusement ces cailloux dans un bocal, comme preuve de ce qu'on nous fait subir, nous dit-il. Décidément, il a l'esprit trop scientifique. A-t-on besoin de me recueillir des preuves par-dessus le marché?